enfants soigneusement sélectionnés. Pour des CD de l'enfance, pour mon premier anniversaire, je ferai mes tout premiers pas sur le noir chemin de l'enfer vers l'homme qui me décapitera. Aujourd'hui je maudis le ciel de n'avoir pas laissé les lions dévorer tous les paysans et leurs fermes industrielles. Je n'ai jamais revu ma mère, je n'ai qu'entendu ses prières. J'ai senti rouler sa douleur dans chaque battement de mon cœur. Quand ils m'auront empaqueté, étiqueté, distribué, j'espère qu'ils entendront maman meugler quand ils m'avaleront. Aujourd'hui je maudis le ciel de n'avoir pas laissé les lions dévorer tous les paysans et leurs fermes industrielles.